On va parler de l'impact de Montréal et du soccer samedi matin. Il y a pas mal de nouvelles également. On va parler avec Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport. Benoît, je veux te parler d'abord une belle histoire cette semaine. La MLS, les gagnants de la MLS contre les gagnants de la Liga. Du Mexique. On va parler également de la Ligue des Champions, Toronto qui est en bonne position. Benoît, si on parlait d'abord de l'Impact qui ouvre sa saison locale cet après-midi, ça a été un bon match contre Columbus la semaine passée. Oui, c'était un bon match. L'Impact est revenu de l'arrière par 2 buts. Décevant un petit peu dans les arrêts de jeu en fin de match, là, le but marqué pour Columbus. Il y avait une pénalité. C'était un jeu serré quand même, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les joueurs de l'Impact sont allés jouer de cette façon-là, dans la zone de réparation. Ça a créé la faute. Et puis, c'était serré comme call de l'arbitre, mais je pense que c'était mérité. Mais un point perdu à l'étranger, puis qu'on sait qu'en début de saison, là, c'est difficile. C'est jamais facile pour l'Impact, surtout l'année. On va se rappeler de l'année passée aussi. En tout cas, il y a des joueurs annoncés encore aussi qui s'en viennent. Maintenant, c'est à voir. Après-midi, ça va être un match très difficile contre le FC Toronto. Là. Mais Toronto FC, par contre, qui est dans la Ligue des champions. Donc, tu sais, on l'a vécu il y a quelques années quand l'Impact est en demi-finale et en finale. C'est pas facile en Ligue des champions. Donc, C'est pas facile, mais je crois que Toronto a plus de profondeur que l'Impact en avait il y a 3 ans. Bon, ça veut pas dire que Toronto va faire le même parcours, vont se rendre en finale comme l'Impact en CONCACAF, mais présentement, dans la MLS, dans la section Ouest, c'est-à-dire Toronto n'a pas de victoire encore. Ils ont perdu leur match d'ouverture. Donc, eux aussi vont forcer la note pour aller chercher une victoire en ce début de saison. Puis, les Jovinko, Altidore, Bradley et compagnie, d'après moi, vont être dans le 11 partant, malgré le match qu'ils ont joué mardi soir dernier. OK. On va y aller avec le mur des célébrités, parce que l'Impact fête son 25e anniversaire de fondation cette année. Et on sait que l'Impact, ça n'a pas toujours été en MLS, ça a été en NASL, ça a été également en United League Soccer. Donc, on va y aller avec le mur des célébrités. Il y en a deux qui ont sorti, puis les critères, selon. Oui, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est le 25 ans. L'Impact prévoit faire différentes activités là, pour présenter ses joueurs. Bon, tu m'as parlé des critères. C'est quoi les critères? Premièrement, le premier critère, c'est avoir disputé son premier match depuis 15 ans. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est de ne plus être avec l'équipe depuis 5 ans. On demande un minimum de 100 matchs joués, disputés. Donc, Drogba, on peut déjà exclure la plus grande vedette de l'histoire de l'Impact international, Didier Drogba. Oui, Drogba, puis Nesta aussi, qui est venu jouer avec l'Impact. Ça n'a pas joué nécessairement beaucoup de matchs non plus. Ils vont sûrement trouver une façon, d'après moi, de les souligner quelque part. Puis là, le dernier point, c'est bien avoir dignement représenté le club là, sur le terrain par des honneurs individuels ou des honneurs d'équipe. Bon, les deux premiers joueurs qui ont été sélectionnés cette semaine, qui ont été présentés à la presse, donc c'est Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto. Alors, c'est deux Canadiens, parce que même s'il y en a un qui est d'origine italienne, mais Gervais, c'est vraiment un Québécois. L'autre aussi, bien entendu, il a vécu au Québec quand même. Alors, Gervais, lui, a joué de 2002 à 2008 avec l'Impact. Il a joué plus de 150 matchs. Quand tu l'as mentionné dans la Ligue avant la MLS, l'Impact a quand même une histoire avant la MLS. On fête les 25 ans, la NASL, la USL, comme tu dis. Il a gagné, il a été défenseur de l'année pour Gabriel Gervais en 2002, 2003 et 2006. Les faits soulignés pour lui. Il a gagné les saisons en 2005 et 2006 et les séries en 2004. Il a joué 11 matchs avec l'équipe nationale, dont Gabriel Gervais. Et pour Pizzolitto, il a joué plus de 248 matchs avec l'équipe. C'est le deuxième joueur qui a eu le plus de matchs après Mauro Biello. Il a gagné les saisons 95, 2006, 2007. 95, 96, 97, 2005, 2006 et les séries en 94, 2004 et 2009. Donc, on a souligné ces deux joueurs-là. Et comme je t'ai mentionné, c'est les critères que je t'ai mentionnés qui vont servir là, pour ce mur de la renommée. OK, OK. Et évidemment, Patrice Bernier, des grosses chances qu'on voit Patrice aussi. Là. Mais je l'espère. Je l'espère qu'on voit Patrice Bernier dans le futur. Mais, et Mauro Biello. Mauro Biello qui était quand même... Mauro Biello va sûrement être là. Nick DeSantis. Nick DeSantis qui est vraiment un gars de l'Impact. C'était un capitaine. Nick DeSantis qui était un capitaine en or. Donc, et peut-être, qui sait, Peut-être même Patrick Leduc. Patrick Leduc, je peut-être ne sais pas si. Leduc, puis comment il s'appelle le premier instructeur de l'Impact, là, qui a gagné en 94, là, Sais pas son nom, là, mais. c'est un Italien, comment il s'appelle, en tout cas, dont le nom m'échappe, là, Oui, je sais. donc lui a des chances également d'être là aussi, donc... Écoute, l'impact, je me rappelle très bien de l'impact. Tu te rappelles, c'était pas facile au début des années 90, faire renaître le soccer. On sait que il y avait eu le Supra de Montréal à l'époque qui était là également. Qui était joué dans la Ligue canadienne de soccer. Ça n'avait pas été facile non plus. Donc, ça n'a pas été. Il faut également lever notre chapeau vers la famille Saputo, hein, parce qu'on a beau dire ce Ah, qu'on voudra. C'est vrai que la famille Saputo sont proches de Lussou, mais s'il n'y aurait pas eu la famille Saputo, l'Impact aurait jamais fait 25 ans et encore bien moins dans la MLS, là. oui, mais c'est ça, c'est comme tu le mentionnes. C'est l'histoire un peu du soccer professionnel à Montréal. Ouais. Les, tout ça, il y a eu le Manic de Montréal, il y a des belles lurettes, là. Et c'est quand même le début du professionnel et la suite est arrivée. Puis l'Impact, grâce au Saputo, effectivement, comme tu le mentionnes. Et puis je crois qu'on a des belles visées quand même avec la reconstruction qu'on voit cette année là, avec Rémi Garde, avec le staff français. Et puis on annonce des joueurs. Il y a deux joueurs annoncés, là, Alexandre Silva et Rudy Camacho, un défenseur et un ailier, un Belge et un Uruguayen. Alors il y a deux joueurs qui s'en viennent et ils sont en train de tranquillement, pas vite, reconstruire l'équipe qui, d'une semaine à l'autre, va jouer ses matchs. Et on l'a vu un peu la semaine dernière par rapport au premier match contre Vancouver. Il y a déjà une amélioration. Je pense qu'on a trouvé des techniciens quand même hors pair là, pour améliorer à ce niveau-là. OK. Donc, maintenant, on va parler de la Ligue des Champions. Bon, le Toronto FC qui sont en demi-finale, ils ont gagné 3-2. Ça a été évidemment en raison des buts pots à l'étranger. Là, on va affronter qui en demi-finale? C'est un club Hey, mexicain encore, j'imagine? juste, faut mentionner, Danny, que c'est bel et bien la Ligue des Champions CONCACAF, parce Ouais. qu'on va peut-être parler de la Ligue des Champions en Europe. Alors oui, effectivement, une grosse victoire. Il faut rappeler que C'est les buts pots qui ont fait la différence. c'est le match qui est à l'extérieur, le but de Jovinko sur son coup franc là, dans le match retour, alors que Toronto a pris les devants 2-1. Le club mexicain, les Tigres de Monterrey, on dit les Tigres de UANL, et en fait, c'est le club de Monterrey. Ils ont marqué deux buts en fin de match. Eux avaient un attaquant de pointe en avant. On avait Gignac, qui est un des joueurs qui a participé avec l'équipe de France en 2016 à l'Euro. Je ne sais pas s'il va être sélectionné pour la Russie cet été, mais André-Pierre Gignac est un grand attaquant. Il a marqué les deux buts à la fin. Il a ramené ça. Il restait une minute dans le match et Toronto s'en est sorti avec la victoire. Le Toronto va affronter Danny, le Club América en demi-finale. On va se rappeler du Club América. C'est lui qui a éliminé l'Impact en finale il y a 3 ans, en Est-ce que les 2015. chances sont bonnes? Ça va être difficile, mais Toronto a une belle équipe. Ouais. Ça va être deux bons matchs à surveiller. Et on sait que Toronto va aller jouer son match dans le célèbre stade Azteca. Le stade où ce que l'Impact, on va se rappeler, avait fait un match nul Ouais. 1 à 1, un stade de 107 000 personnes. L'Impact, je crois qu'il y avait 85 000 personnes à ce moment-là. On avait perdu le match retour à Montréal. Je me souviens, j'y étais à ce match-là. On n'avait pas habillé Bernier. C'est dans le temps qu'on a niaisé Bernier là, avec l'Impact. On l'habillait pas. On l'habille, le match est presque fini. Et moi, dans l'autre demi-finale, ben, c'est une surprise aussi. Tu as le Red Bulls de New York qui a remporté son quart de finale contre le club de Tijuana. Il faut se rappeler, Danny, que dans les quarts de finale, il y avait quatre équipes mexicaines. On sait que c'est souvent les Mexicains qui gagnent cette Ligue des champions CONCACAF-là. Et là, on se retrouve en demi-finale. On a deux équipes de la MLS, les Red Bulls et l'FC Toronto, qui vont jouer contre deux clubs mexicains. De l'autre côté, ça va être le Guadalajara, qui va jouer contre le Red Bulls de New York. Il faut un petit fait à mentionner, Danny, dans les 9 dernières années de la Ligue des champions CONCACAF, c'est un club mexicain qui a remporté. Ben, c'est ça la différence. C'est que la différence entre les clubs de la MLS et les clubs du Mexique, c'est souvent le manque de profondeur. Hein? Et Oui, si le tu te manque de rappelles profondeur. bien, si tu te rappelles bien la finale, c'était quoi? C'était en 2014 de l'Impact en demi-finale? 2015. 2015. C'était écoute, là, Au Mexique, l'Impact avait très bien fait. Par contre, en deuxième demi du match de la finale au Stade Olympique, le club mexicain avait pesé sa pédale, puis là, l'Impact n'était plus là du tout. Et ça, Ben c'est écoute, déjà la raison du manque de le profondeur. club américain, quand tu regardes un peu la masse salariale à ce Ouais. moment-là, je pense qu'on disait que juste le gardien avait presque la même masse salariale que l'Impact de Montréal, le gardien mexicain. On avait annulé, comme tu dis, 1-1 au Stade Azteca. Et le match retour, l'Impact avait pris les devants. Piatti commençait avec l'Impact à ce moment-là. Il avait fait une passe pour ouvrir la marque. L'Impact avait marqué le premier but, mais par la suite, il y a eu une séquence de 15-20 minutes où début de deuxième demi, puisque le club américain a marqué 3 buts là, sans riposte. Là. Mais c'est quand même la meilleure performance de l'Impact dans l'histoire. Aller perdre une finale à la Ligue des Champions CONCACAF. Il y a 2 fois dans l'histoire d'année qu'il y a des clubs de la MLS qui ont remporté. Il y a le DC United en 98 et il y a le Galaxy Los Angeles en 2000. C'est les 2 seuls clubs américains qui ont remporté cette fameuse Ligue des Champions CONCACAF. Ouais. Maintenant, si on parlait de quelle belle nouvelle cette semaine, moi j'ai trouvé que c'est une super de belle nouvelle. Évidemment, c'est en marge de la candidature de tripartie Montréal, pas Montréal, mais le Canada également, le Mexique et les États-Unis. La MLS et la Liga qui se sont associées, la Liga qui est la Ligue du Mexique. Il y aura un match des étoiles des espoirs entre les deux ligues. Et ça va être présenté dans le cadre de la semaine du match des étoiles. Et il y aura également le gagnant de la MLS Cup va affronter le gagnant de la Liga. Quelle belle nouvelle, mais ça va être la fun, ça. Oui, c'est un beau partenariat, justement, Ouais. gagné pour promouvoir Le soccer. pour le soccer au niveau en Amérique, pour promouvoir le soccer, mais promouvoir aussi la candidature des 3 pays, là, Canada, États-Unis, et puis le Mexique pour la Coupe du Monde 2026, parce qu'il semble que le Maroc aussi est sur la lancée. Ils vont faire une demande aussi. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, comme tu dis, oui, le match qu'il va y avoir, ils vont intégrer une nouvelle coupe qui va avoir lieu à chaque automne. Ça va être probablement un match. Et là, on connaît déjà le représentant de la Coupe MLS en septembre. Ce match-là va avoir lieu en septembre. Il y a le FC Toronto qui va être là. Et de l'autre côté, on a le gagnant des 2 dernières saisons qui vont se prendre ensemble avant d'annoncer leur match contre Toronto. Et puis, par rapport à la Coupe du Monde 2026, tu sais qu'il y a les 3 villes canadiennes ont été retenues. Vancouver s'est retiré. Ouais. Je comprends pas nécessairement pourquoi. C'est le Putain, ils ont le stade, le BC Place, qui a été rénové récemment Je aussi. comprends pas ce point-là, parce que dans la MLS, tu as 3 villes, tu as Toronto, Montréal, Vancouver. Et là, on enlève Vancouver qui s'élimine et c'est Edmonton qui prend la place. Ouais. Et quand on sait Edmonton, cette année, la Ligue, le club s'est désisté. Il n'est plus dans la NASL, donc je ne comprends pas tout à fait pourquoi là, Edmonton reste sur les rangs pour la Coupe du Monde. Probablement que c'est le cahier de charge et puis tout ça. Mais pour le Stade olympique, ça va prendre des gros sous pour le remettre en forme si on veut recevoir dans le Stade olympique des matchs de la Coupe du Monde, là. Effectivement, effectivement. Également, c'est très, très intéressant comme partenariat. Et maintenant, Ligue des Champions en Europe, il y aura un duel de titans. On va être en demi-finale. Juventus qui va affronter c'est le Real Madrid, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Avant de t'amener au quart de finale, je veux juste te ramener un peu. Ouais. Juste te ramener un peu sur les 8e de finale où il y a eu des grosses surprises quand même. Le Manchester United de Mourinho s'est fait surprendre contre le FC Séville. Donc, cette semaine, c'est une surprise. Bon, FC Barcelone, j'écoutais justement avant que tu m'appelles Antonio Conte, l'entraîneur du Chelsea, qui levait son chapeau à Lionel Messi, qui l'a dit que c'était le meilleur joueur au monde. Ouais. Il a éliminé quasiment lui seul FC Chelsea, qui est Chelsea quand même un des gros clubs en Angleterre. Par la suite, tu as le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, mais avec la blessure de Neymar, ça n'a pas aidé, mais le Paris Saint-Germain n'a pas été chanceux dans ses tirages au sort. Cette année, c'est contre le Real Madrid. L'année passée, les 2 dernières années, c'était contre FC Barcelone. On va se rappeler l'année passée la remontada contre le FC Barcelone. Et pour les annonces, le tirage au sort qui a eu lieu hier, ben oui. Effectivement, comme tu me mentionnes, la Juventus Real Madrid, c'est la reprise de la finale de l'année passée. On va se rappeler la finale de la Ligue des Champions. Buffon, qui en est à sa dernière saison, a dit qu'on ne tiendrait pas une équipe nationale. Les Italiens ne seront pas en Russie. Donc, on va avoir un beau duel, un beau match aller-retour entre la Juventus. Puis Zidane a mentionné aussi qu'il va aller jouer un match à la Juventus. On sait que Zidane, avant de venir jouer avec le Real Madrid, il a joué avec le Juventus aussi. Ça va être intéressant de voir ça. Dans les autres quarts de finale, Danny, AS Roma, Barcelone. Ah, c'est les quarts, ok. Je pensais que c'était la finale. C'était les quarts de finale, ok. Okay. Je crois que la Barcelone est bien en avance par rapport à ça. Dans l'autre quart de finale, le FC Séville, Bayern de Munich. Après avoir vu jouer le FC Séville contre le Manchester United, ils peuvent causer une surprise, mais moi, pour présentement, le Bayern est mon troisième favori après Barça-Madrid et après Barça-Madrid. Et le dernier duel de quart de finale, ça va être très intéressant, un duel anglais, Liverpool contre Manchester City. Oh, OK. Un match très intéressant à suivre là, pour les quarts de finale. OK. Benoît Lavoie, ça en fait pas mal le tour pour cette semaine, donc j'aurais voulu te parler de la Ligue, faire le tour en Europe, mais il y a tellement de stock. Évidemment, quand l'impact commence, on a moins de temps à parler de l'Europe, mais on aura l'occasion de se reparler dans une carte d'une autre chronique. Oui, Danny, dernier point avant de te quitter. Ouais. Je te remercie encore de faire parler Espoir Soccer aussi. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un club qui va évoluer dans le 3A cette année. OK. Restant le U17 du Chinook de Chicoutimi qui vont jouer 26 matchs. Ils débutent leur saison le 29 avril à Repentigny. Par la suite, ils vont venir jouer à Lucac, sur le terrain de Lucac, puis au Parc Saint-Jacques. Il y a 14 équipes dans ce 3A. On sait qu'ils se sont qualifiés l'année passée. Ils ont fallu passer par une séance de qualification, la Coupe des promotions. Donc, à surveiller, c'est la première équipe de la région masculine qui va jouer en 3A masculin. Il y a déjà eu une équipe dans le U16 féminin du Chinook, mais c'est assez complexe de se rendre là. Et c'est un projet d'été parce que ça prend l'été pas mal là, pour les gens, les parents. C'est beaucoup de transport. Donc, à surveiller cette équipe-là là, en U17 masculin dans le 3A cet été. OK. Benoît Lavoie, on s'en reparle bientôt. Yes, salut, merci. D'espacesoccer.com, la référence soccer au Saint-Jean, Benoît Lavoie.